Les animaux évoluent-ils actuellement au même titre que nous? Le contact existe-t-il chez eux aussi? C'est pas pareil parce qu'eux, ils ont des âmes collectives. Donc, c'est des programmes collectifs. C'est comme chez certains peuples autochtones. Vous aviez des fois quelqu'un qui allait, il s'en allait de sa tribu un bout de temps, puis là, il prenait contact. Des fois, il disait, oh, l'esprit de l'ours me parlait. L'esprit de l'ours, c'est une âme collective, c'est pas une âme individuelle. Les animaux ont des âmes collectives. Mais ils sont en interaction de la même façon que nous avec ce qu'on pourrait appeler l'astral planétaire. Mais là, c'est quand même. Oui, il y a une évolution. Prenez le jappement du chien. C'est au contact de l'homme que ça s'est développé, le jappement, qui est une forme entre la parole. Puis, mais oui, les animaux évoluent. Mais à notre contact, beaucoup, beaucoup plus rapidement. Il y a même, prenez, il y a des chats et des chiens, ils ont besoin de psychologues, canins et félins, parce qu'ils développent des problèmes psychologiques. Ben oui, mais ça vient du contact avec l'être humain. Ça veut dire qu'il y a il y a de l'expérimental évolutif qui s'est créé. La maladie mentale, là, entre autres, ou les névroses, ça vient de des choses pas intégrées encore, mais qui ont un début. Les animaux, ça vient de anima, ça vient de âme, c'est de l'âme, les animaux. Mais il n'y a pas de contact avec l'esprit comme un humain. Mais c'est en voie d'aller vers ça un jour, possiblement. Mais là, sous cette forme-là, ou sur quel plan, ou quoi, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'une âme collective d'animaux, c'est très, très intelligent. Autant qu'un humain, en tout cas. Donc, même des fois plus.